Das Unglück der Menschheit. Why not? Roule un terre. Alouette, gentil Alouette. Alouette, je suis très heureux. R.P. Pop Smoke. Covid, Enoch, Illuminati, Enoch, Corona, Enoch. Le furet Enoch, oh. Le seul blanc que j'écoute sur la ville, c'est White Mix. Montréal, une ville remplie d'homo rappeurs. Beaucoup de délateurs, comme Tekashi System. Beaucoup d'haïsseurs, bande de saboteurs, y'en a trop. Dans nos cités, les nègres sont chacun de leur côté. Dès la minute qu'ils se croisent, ils veulent s'échanger des coups de feu. Ça fait au moins deux fois que Jack Boy fout des calottes sur la bouche de Tizo. En 1902, pièces de poulet, mec roquette sur son visage. Ok, ok, ok. Mon conseil, charge ton flingue. Marche avec un gros pistolet dans ton pantalon. Pour ma part, j'adore le drame et les fusils à pompe. Ça donne naissance à des classiques comme Exposé Mi Remix de Jack Boy. J'ai écouté au moins 2000 fois sur Paris. Et en trafiquant dans ma berline, je pompe à fond Mike's Up. Il flingue les brocs comme un 9 mm Glock. Je viens de voir pause de VT, luxury, hein? Et aussitôt libéré, putain, il sort les mitraillettes. Hein? Chouise est lourd aussi, Chouise. L'autre soir, j'écoutais sa mixtape dans le HLM. Enima est en cavale, faire les sondages flammes. En faisant un doigt d'honneur aux autorités. Kegoun est chaud bouillant, prêt à tout vous braquer. Les policiers font tout ce qu'ils peuvent pour m'empêcher de performer. S.O. Kegoun, fuck them niggas, don't fuck them popo. Oublie à l'élève, continue de gaspiller les subventions d'un audagé. T'aurais dû sortir le sac d'argent pour la vidéo de Yala. T'aurais fait le million de vues. Tu veux qu'on t'aide, mais tu manges des miettes tout seul. Et ne pense qu'à faire du gueule. Après t'avoir aidé, tu m'envoies des petites piques de droite à gauche. Comme si je ne l'avais pas entendu. Mon faux nègre à femme blanche, tu as vendu ton âme gratuitement au 7ème ciel. Pour ton album, pour ton petit feu de paille éphémère. Tu dois tout avoir au Roy Enoch et à ton DJ de Bruxelles. Ton fusil à plomb n'est pas assez bruyant pour que la rue écoute ta musique. La nouvelle mode est au podcast avec des animateurs non crédibles comme Kevin Calix. Petit homo caché dans un garde-robe. Putain, sors du placard. Tu n'aimes pas les blancs mais les invites pour faire des vues. Prends des photos avec des belles femmes pour poster sur Instagram. Pourtant t'as ni meuf, ni femme, ni enfant. Mon hypocrite. En direct de ton quelque chose, t'avais raconté que toi et tes frères qui faisaient tout ce que le Roy Enoch faisait. Après tu oses m'inclure dans ta liste de perdants, car j'ai refusé de faire la première de rap politique. Ensuite vous avez gonflé la tête à Sikid comme s'il était le premier invité sur la liste. S.O. à mon négro de Sikid, Snozo vous fout la crouille toute la journée. Et l'autre crétin de Nexario, Cyrano. Négro à femme blanche, on dirait un hamburger avec ta tête de détective privé. Ancien rappeur à 200 vues, arrête de sucer le pénis des blancs. En entrevue, vous avez essayé de ridiculiser le patron de Joyride Disque en lui disant que Loud ce n'était pas du rap, même après qu'il ait rempli le Centre Bell. Mais Carlos Nino, vous indiquez vos mères. Rap politique de bozo, faites gaffe lorsque vous parlez du furet Enoch. Le nom du haut de mon 357 résonne comme le tonnerre dans le ciel. Alouette, gentil Alouette. Alouette, je suis très heureux. R.P. Pop Smoke. Roule un bon terre. Covid, Enoch, Illuminati, Enoch, Corona, Enoch. Le furet, Enoch, oh.